Une autre performance qui a eu pas mal de résonance, c'est que j'ai fait un hommage à Diogène. Diogène, ça a toujours été un de mes héros. D'ailleurs, j'ai écrit quelque chose sur Diogène, là, dans une plaquette, là, je vous lis en 2 minutes pour Diogène. Tout le monde connaît Diogène ? Oui ? Vous savez, Diogène, c'est le fameux philosophe grec. Je n'ose pas poser des questions, mais vous savez qu'il avait dit à Alexandre qui était, je l'ai écrit sur Diogène. Salut Diogène, vieux copain d'enfance, des hommes qui ne seront jamais adultes, tous ceux qui auront su garder leur cœur en culotte courte et leur couille en barboteuse. Je m'excuse. Oh Diogène, mon vieux pote, toi qui marchais à quatre pattes en insultant les gens pour les faire sortir de leur vie tiède et de leur apathie, j'aime tes mœurs de chien, toi qui mordais les mollets chétifs des idiots et des pleutres et aboyais pour parler aux débiles, toi qui méprisais l'argent, la politique, les conventions sociales, les honneurs et les superstitions populaires et religieuses, j'aime tes provocations, ta vie errante et ta révolte sans illusion et sale cynisme, toi qui achetais un coq plumé, ça c'est une des plus belles actions, au pied de Platon, qui avait défini l'homme comme un animal à deux pieds sans plumes en criant « Voilà l'homme de Platon !» C'est-à-dire qu'un poulet avec toi qui niais Dieu, le froid, la chaleur, la faim, les privations, le cancer, le luxe et le mal aux dents, toi qui as brisé ton écuelle en voyant un enfant boire dans ses doigts, toi qui as répondu à Alexandre, ça c'est ce que tout le monde connaît de Diogène, qui te demandait ce que tu désirais de lui, ôte-toi de mon soleil. Tout le monde connaît ça, non ? C'est la seule chose qu'il a demandé à Alexandre. Toi qui es enlevé par les pirates et devenu esclave, a refusé de se faire racheter. Ah voilà. Et toi qui es entièrement nu dans les rues d'Athènes, cherchais en vain un homme avec ta lanterne allumée en plein jour. Donc un jour, j'ai décidé de faire un hommage à Diogène. Donc en pleine rue de la République à Lyon, c'est la grande rue de Lyon, un mercredi, le jour des enfants, en plus à la sortie de la FNAC. Donc j'étais nu, entièrement nu, dans un tonneau. Donc je suis sorti de mon tonneau, mais il y avait beaucoup de journalistes, beaucoup de télévision. Et donc la police était là, ça fait un attroupement, il y avait 400-500 personnes autour de ça. Et la police rôdait autour, mais ne voulait pas m'arrêter, parce qu'ils ont dit après que c'était une pub. Donc il n'y avait aucune raison de m'arrêter. Donc ça a duré comme ça plus d'une heure. Donc la honte, c'était qu'il y avait des vrais SDF, parce que c'est un hommage à Diogène et aux SDF en somme. J'estimais que Diogène, c'était un sort de SDF, sauf que lui, il avait choisi son mode de vie, de vivre dans un tonneau, alors que les SDF n'ont pas le choix, quoi. On leur impose ça. Donc au bout d'une heure, alors là, je vais raconter quelque chose qui me fait la honte, c'est que les policiers m'arrêtaient toujours pas. Je commençais à en avoir marre en Diogène. Comme ça. Donc, on a fait quelque chose que je ne raconte jamais. C'est nous-mêmes qui avons téléphoné à la police. C'est-à-dire en disant, écoutez, ça fait bien, ça fait déjà une heure qu'il y a un exhibitionniste qui est là-dehors. Qu'est-ce que vous faites, la police ? Il y a des enfants, c'est le jour des enfants, ça suffit. Voilà, alors 5 minutes après, 3 voitures de police sont arrivées avec pimpon, pimpon. Et donc, là, ils ont sorti le grand jeu. Donc, ils m'ont sauté dessus, ils m'ont arrêté. Et ils m'ont amené, disons, ils m'ont arrêté. Et là, je suis tombé sur un inspecteur complètement débile, un type absolument raciste et tout, qui était fou. Hein. Et alors, à côté de moi, il y avait un sort de vieux de clochard, je ne sais pas s'il était un peu arabe, ou je ne sais pas comment, charmant, qui m'a dit, attention, parce qu'il est fou, et je vous signale, il m'a dit, vous êtes le 41e à avoir été arrêté, parce que c'était une nuit de pleine lune, et donc c'était la nuit des exhibitionnistes. Donc l'inspecteur m'a pris pour un exhibitionniste. De moi, il n'avait rien à faire, il n'avait jamais entendu parler de moi, et donc il a commencé à m'interroger comme un exhibitionniste. Alors, vu que ça partait comme ça, il m'a dit votre nom, ben, j'ai dit Diogène, il m'a dit votre domicile, ben, j'ai dit tonneau, votre âge, je lui ai dit 3 siècles, vous savez, je n'ai pas dit Diogène, c'est un philosophe du temps d'Alexandre qui vivait il y a 20 siècles, c'est ça. Et voilà, alors donc il a pris une crise de rage, il a dit... enfermez-moi cet individu dans une cellule et demain il sera en garde à vue et tout, voilà. Et donc j'ai été dans une cellule et puis 10 minutes après, n'était pas passé, je vois arriver l'inspecteur qui dit « Oh, monsieur Pinocelli, mais je suis désolé, mais on peut se tromper, n'est-ce pas ? C'est rigolo comme tout, une performance comme ça, mais c'est marrant. Voilà, je n'ai pas su qui vous étiez, mais bien sûr, vous êtes libre. Excusez-nous, on est un peu énervés peut-être et tout. » Voilà, il était complètement, parce que, à mon avis, c'est que le préfet du Rhône avait dû téléphoner en disant c'est voilà qui est-ce, donc vous le gardez surtout pas donc dehors. Et à ce moment-là, j'ai fait quelque chose de j'estime très drôle, c'est que j'ai refusé de sortir de prison. Ils n'avaient jamais vu ça. J'ai dit, moi, je ne sors pas de prison. Il dit, demain, je serai en garde à vue, je ne sors pas de prison. Alors, il a commencé à dire, mais comment ça? Vous êtes libre? Je lui ai dit, vive la liberté, moi, je ne sors pas de prison. Et puis, finalement, j'ai cassé à moitié la serrure avec un tabouret. Et alors, donc, ils ont presque donné l'assaut à la prison pour me mettre dehors. Et donc, ils m'ont expulsé de la prison. C'était une première mondiale, d'être expulsé par la police d'une prison. Alors, je suis bien sûr, 5 minutes après, j'ai tapé. Alors, ils m'ont dit, encore, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, ben, je voudrais mon tonneau. Ils ont dit, comment ça, votre tonneau? Après, j'ai refrappé une autre fois, je voulais mon affiche, je sais pas quoi. Alors, je suis retourné une fois, il y avait écrit commissariat fermé pour cause de travaux. Donc, ils avaient fermé leur commissariat. Voilà. Là, je brode un peu. Hein. Non, mais ça fait partie. J'estime que vous faites la part tout est vrai, mais je veux dire, l'assaut sur la cellule et qu'ils ont fermé le commissariat, bien sûr, c'est un peu un gag. Hein, mais comme je raconte ça sur de façon un peu pied nickelé, exprès, je ne rentre pas dans les concepts trop, dans les questions. Ça reste quelque chose de marrant et d'amusant. Donc voilà. Donc le problème, ce qui est vrai, par contre, c'est que j'ai refusé de sortir de ma cellule. Hein, donc voilà.